Aujourd'hui, le 3 juillet, le 3 juillet 2023, et monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mes petits amis, et les grands amis aussi. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Et lorsqu'il dit coucou, il veut dire aimez-vous. Mes amoureux se fient sur lui dans mon patelin. Et quand il crie 8 heures, tout chavirant mon cœur, je pars 1 heure bien qu'aux petites heures du matin. Quand je suis à temps, coucou, mais autrement, ouhou, parce qu'il est gentil et charmant, mon petit coucou. C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre. Il connaît tous les rendez-vous, comment s'y rendre. Et dans les affaires d'amour, mon tico est là toujours, qui me dit peu importe la nuit ou le jour. Oh, oh, j'entends mon petit tico qui m'appelle, il semble dire que c'est l'heure d'être fidèle. Oh, oh, oh, oh, on dirait que mon cœur fait crac, tico, tico, tico, tico, tico, tac. Oh, tico, tico, tac, ce tico, tico met mon cœur tout en micmac. Et lorsqu'il dit coucou, il veut dire aimez-vous. Les amoureux se fient sur lui dans mon patelin. Et quand il crie 8 heures, tout chavirant mon cœur, je pars 1 heure bien qu'aux petites heures du matin. Quand je suis à temps, coucou, mais autrement, ouhou, parce qu'il est gentil et charmant, mon petit coucou. C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre. Il connaît tous les rendez-vous, comment s'y rendre. Et dans les affaires d'amour, mon tico est là toujours, qui me dit peu importe la nuit ou le jour. Oh, oh, j'entends mon petit tico qui m'appelle, il semble dire que c'est l'heure d'être fidèle. Oh, oh, oh, oh, on dirait que mon cœur fait croc, tico, tico, tico, tico, tico, tac. Le farfadet, c'est moi le farfadet. Bonjour! Comment ça va, mes amis? Oui? Respirez, là. Je sais, il nous manque un peu d'oxygène, hein? L'humidité, là. Mais imaginez-vous, au mois de janvier, là, hein? L'humidité, hein? Au Québec, là, le grave problème, là, c'est l'humidité, hein? On devait être dans notre... Avant d'être au monde, nous, les Québécois, nous devions être des saucisses. Stimé. Hey, on connaît tout ça la soirée, nous autres, c'est-à-dire, on connaît tout ça la soirée, hey, wow! C'est inné chez nous, la soirée! Regarde, oui! Ben, la soirée, il me semble que tous les animaux, puis même les végétaux, oh, là, tu veux t'impliquer? Non, j'appliquerai jamais ma charmante épouse qui m'a aimé et qui m'aime encore pour le meilleur et pour le fric. Hein, que je viens de dire là, moi, là? Pour le meilleur et pour le pire, mon je n'ai pas d'argent, madame. Je suis un va-nu-pied. Mais c'est bien le juillet, au mois de juillet, se promener à va-nu-pied. sous des coussins d'argent. Ça fait pas de bruit, hein, ça fait juste... Ben oui. Pour les oreilles fines, c'est comme l'automne, hein, quand tu marches sur les feuilles. Ça fait... Tu sens la feuille, là. Je suis bruiteur. Et là, Renaldine, on peut pas dire que c'est une émission, là, barrer la balloune. C'est pas barrer la balloune du tout, là. C'est une... Non, fermez votre livre. Non, c'est une expression... Si vous êtes membre de Rance Renaldienne, si vous connaissez l'univers, si vous allez sur les internets, vous allez bien savoir ce que ça veut dire, cette expression. Puis en plus, ça vient d'être inventé. Là. C'est frais fait. Là. C'est frais fait. Puis même, il faudrait mettre une pancarte, Simone. Mets ta petite pancarte. Frais, ne marchez pas là-dessus. Parce que si vous marchez sur les mots, sur les expressions qui viennent tout juste de se produire à cet instant précis, vous risquez de les rendre non lisibles ou non audibles puisque vous aurez laissé votre empreinte. Faut pas laisser d'empreinte. Faut que ça sèche. Mais avant que ça sèche, faut appeler les droits d'auteur. Hey, là, il y a quelque chose d'intelligent qui vient de se passer. C'est rare, là. À Errance Renaldienne, c'est assez KRL, c'est fréquent. Mais à Errance Renaldienne, c'est très rare. Puis là, chez moi, Errance Canadienne, c'est Renaldienne. Pas Canada, c'est Rénald. Mon prénom, Renaldienne, au féminin. Dienne, Renaldienne. Parce que une errance, pas un errant. Je suis un errant, mais c'est une errance Renaldienne. C'est assez simple, ça. C'est pas compliqué, c'est dur, OK. Tu rends un petit hommage, comme ça, rapidement. Très rapide. On s'élongera pas, on s'étalera pas sur le sujet. OK? Quoique un petit peu. Parce qu'il fallait que... Deux choses à vous parler. Madame, je peux-tu vous parler? J'ai besoin de dialoguer. Mon père disait ça, dialoguer. Quand il voulait dialoguer, là, wow. Mais c'est moi, je veux pas dialoguer, moi. Je veux monologuer. Moi, je veux pas le dire. Je veux le dire. Hein? Non, je veux pas le dire. Je veux l'énoncer, moi. Seul. Sans retour. Ben oui, vous avez le choix, madame, de faire des retours sur mes propos. Courriel. Pas de téléphone, courriel, moi. Vous avez pas de courriel? Prenez une feuille, une enveloppe, un timbre. Envoyez ça à CKRL. 405 3e Avenue. Il n'y a pas d'appartement. CKRL, vous mettez entre guillemets Errance Renaldienne et j'aurai cette lettre et je pourrai vous lire. S'il vous plaît, parfumez ce que vous allez m'envoyer, ça m'excite davantage. Ça m'excite à lire et à m'imaginer qui m'a envoyé ça. Senteur d'égout, oui. Non, ça passera pas les douanes. Moi, je suis sûr qu'il y a un japeux, ça passera pas. Oui, non, je ne peux pas aller plus loin. Mais un petit passage à niveau. Oui, le bois est faible, hein? Il y a des noyaux, c'est pas des noyaux. Comment ça s'appelle? Des nœuds. Il y a des nœuds. C'est pas des noyaux, c'est des nœuds. C'est pas une pêche, là. C'est péché de piler là-dessus, madame. C'est péché. C'est tellement péché qu'il y a des trous. Par où les gens ont péché, le trou s'est placé à l'endroit, à l'exactitude. Au millimètre près où le péché est tombé. C'est devenu un nœud. De là, l'expression « t'as frappé un nœud », tu vois, ça, c'est ça, bon, vous allez me dire, il y a plusieurs façons de voir ça. Non. Frapper un nœud, c'est arriver devant une situation, frapper un nœud, c'est un peu recevoir un coup de poing, de figer, ou de se faire avoir. « J'ai frappé un nœud. » Et le nœud s'est tellement noué qu'il est tombé par terre et dans le bois, ça a fait également un nœud. Double nœud. Double nœud, mais pas double nœud. Il n'y a pas de doublon là-dedans, madame, non. N'inventez pas n'importe quoi, là. C'est mon émission, je dois l'inventer. Avez-vous votre brevet d'invention errant? Errant, un brevet errant? Laissez-moi parler, vous là. C'est-tu des spasmes? Êtes-vous diabétique trampoline? Savez-vous ce que c'est la diabétique? C'est rare qu'on en parle, hein? Que les gens souffrent de diabétique trampoline? Là, ben plusieurs, ben oui, ça a des hauts, des bas, hein? On est dans le plus, dans le moins, dans le plus, c'est trampolin, hein? Trampolin la bisoune. Connaissez-vous trampolin la bisoune? C'est un danseur, c'est un ancien danseur nu. C'est celui qui se blessait avec Bébé Papillon. Bébé Papillon, une danseuse qui a déjà existé, danseuse-chanteuse. Elle savait quoi faire avec un micro. Et s'il vous plaît, ça faisait pas juste entendre sa merveilleuse voix. Ah, oh, mais c'est l'autre qui suivait. Alors après, Bébé Papillon qui nous a fait son tour de chant et son tour de micro. Nous avons l'humoriste Rénald Gagné qui se présente ici pour nous faire dilater la patate. Eh, monsieur. Et là, tu arrives sur scène avec la patate. Dans ta main, bien sûr. Tu te la places sur la tête pour parler. Sinon, pas de patate, comment tu veux? Ben oui, c'est ça. C'est... Ben, entre... Gainsbourg, lui, c'est le chou. La tête de chou. Moi, c'est la patate. Ici, Rénald dans la tête de patate. Moitié légumes, moitié mec. Pour les beaux yeux de Marie-Lou et de Nelly, il s'en va chercher son clou. Son Remington. On fait pas de pub ici. Son Remington. OK, on va faire Remington. Son Remington et puis son break. Et puis il y a l'autre. Gaétan. Qui a les cheveux sur la tête. Et ça, c'est rare. Parce que normalement, il tient ses cheveux dans le chapeau. Vous savez pourquoi? Vous vous en doutez un peu? Il y a une. Plus proche. Non, ça sera pas du hip-hop. Rapprochez-vous. C'est parce que. Il porte une perruque. Place la calotte. Enlève la calotte. La perruque reste collée dans la calotte. Lui, il sait pas encore. Là, c'est un insignifiant. Là. Puis là, il fait des... Il reçoit des... Il voit des jeunes filles. Il enlève son chapeau. Sans savoir que la perruque est restée dedans. Les filles s'arrivent. Puis lui, il se dit, dans toute son intelligence, les gamines me trouvent rigolo, là. Il trouve pas rigolo. Pas du tout. Ben oui, il trouve rigolo, mais par le fait que la momoune est dans le chapeau. La momoune est dans le chapeau. La chanson de Zachary. La momoune est dans le chapeau. La momoune est dans le chapeau. Le chapeau sur la tête. Hey, je vais juste vous faire une petite bonjour à mon ami. Chers amis, allez à Trinidad, vous ferez un voyage idéal. Calypso, le cœur plein d'entrain, jour et nuit fredonne ce refrain. Chantez rhum et Coca-Cola, visitez Cumana, jeune fille et garçon, le cœur gai chante à l'unisson. Approchez-vous, n'hésitez pas, demandez-lui un petit péco, garantie que vous chanterez aussitôt. Chantez rhum et Coca-Cola, visitez Cumana, jeune fille et garçon, le cœur gai chante à l'unisson. Vamos a bailar el ñango y la conga. Sí, sí, sí. conga et vous danserez la conga. Vous aimerez aussi le nyango, mais si vous trouvez qu'il fait trop chaud, chantez rhum et Coca-Cola. Visitez Kumana, Genevieve et Darko, le cœur qui chante à l'unisson. Chantez rhum et Coca-Cola. Rhum et Coca-Cola. Rhum et Coca-Cola. Ah, pardon? Ça va bien? Oui. Ça va. Moi, là, on m'a déjà dit, Reynald, lorsque tu travailles, là, je travaille pas, là, je m'amuse. Mais au vrai boulot, là, tu sais, quand je vais en prison pour 8 heures, là, on me dit, t'es tellement souriant, tellement dynamique. Oh, merci, mon gros. Bravo. Là, c'est que j'avais pour parler, mon ami. C'est d'un spectacle que j'ai vu il y a quelques mois. Mais il faut que je digère quand je vais voir des choses aussi extraordinaires. C'était les adieux de mon amie Clémence Desrochers. Et j'ai juste un petit bout à vous faire entendre. Juste un petit bout. Le son n'est pas très, très convenable, là, mais un petit bout. C'est beau, hein? C'est des applaudissements. Mais attendez, il n'y a pas juste ça. Ça, c'est... Imaginez-vous, le public était déjà en délire. C'était pas pour la première fois et j'étais tout à fait sous le charme. J'ai assisté au quatrième spectacle de Clémence Desrochers. Voyons, Clémence. Oui, Clémence. Clémence! Oui, Clémence! Ben, les gens attendaient la dernière. Mais Clémence, je t'ai adoré. J'ai été sous le charme. Tu as fait tes grands succès. Tu as même sorti des nouveaux dialogues, des nouveaux monologues et tes chansons. Écoute, merveilleux spectacle. Seule ombre au tableau, c'était ton invité qui n'a chanté qu'une chanson de toi au lieu de se regrouper autour de l'hommage qu'on aurait dû te faire. Et il y a des chansons qui n'ont jamais été diffusées lors de ton spectacle. Diffusées, est-ce qu'on peut? Oui, annoncées, chantées, clamées. Puis tu as fait quelques gros tubes de monologues, mais on ne peut pas tous les faire, hein? On ne peut pas tous les balancer. Mais il y en a un que je vais juste commencer parce que je ne la connais pas tout à fait par cœur. Soit tu la connais par cœur ou tu ne la connais pas par cœur. Je ne la connais pas par cœur. Bon. Mais il y a des brides. C'est Henri Mitte. Il peut grêler, neiger, pleuvoir. T'es beau. T'es beau, mon Jean-Pierre, mais rapproche pas ton... Non, non, c'est parce que ton visage est sans dessous le sou. Et ça, non, c'est pas du Clémence, ça. Moi, je suis comme Clémence, et c'est pour ça... C'est pas pour ça. C'est pour ça que nous avons un lien entre elle et moi. C'est pour ça également que je ne suis pas gêné de divaguer, de m'en aller dans toutes les directions et de me ramener. Des fois, je ne me ramène pas. Je suis comme elle. Dans ce spectacle-là, le dernier spectacle qu'elle a fait, elle ne se ramenait pas souvent. Elle dérapait pas, ou si peu. Au début, c'est les 15 premières minutes pour faire son spectacle, pour que les gens la reconnaissent, pour qu'elle puisse aussi appeler Coulisse, qui était la chanteuse qui était là. Et, bon, elle faisait semblant de ne plus se souvenir, puis coulisse, puis bon, ça, c'est bien. Mais après ça, on a bien vu qu'elle se rattachait à son texte, et il y avait pas beaucoup de dérapage. Mais dans mon cas, il y en a tout le temps. Mais j'ai pas son âge non plus, là. Je pourrais plus faire ça à 84 ans, 83, je pourrais plus. À 83 ans, si je suis encore là. De un, ça me surprendrait grandement, puisque j'ai le droit de vie. Je m'offre ce droit de vie et je m'offre également le choix de rester ou de m'en aller. Dépendant ce que la vie va m'amener. Pour Clémence, elle est en pleine forme. C'est merveilleux. Et je vais revenir là-dessus. Si je dérape, j'ai toujours cette pensée Desrochienne. En tout cas, Clémentienne, oui, c'est mieux avec le prénom. J'ai cette vision Clémentienne-là de m'en aller, de ne plus rester sur Terre pour pouvoir profiter des mots et me rattacher à ce qu'ils vont m'offrir comme luminosité, si luminosité il y a. Ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui me sorcelle, c'est Paris, Paris tout entier, le voir un jour, c'est mon jolie, j'ai des amours, mon pays c'est Paris. On dit qu'au-delà des mers là-bas, sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. Et belle, mais à quoi bon me lier, ce qui me sortait, c'est Paris, Paris tout entier, le voir à jour, c'est mon rêve joli. Quand c'est sombre, ça fait pas des bonnes productions. Ah, des improductions! Non, c'est pas productif, les improductions. Ah, oh, mon Dieu! Hey, surtout les improductions par infraction. Oh! Ne jamais s'introduire par infraction. Toujours annoncer notre venue. Allô? Allô, t'as-tu le Popperman? T'as-tu la Popperman 2? OK, merci. On va parler de la Popperman 2. La pile est pas... Non, parfait, tout est beau. Oh, faut recommencer comme ça, non? Peu importe. Oh, la pile est faible, hein? Est-ce qu'on va pouvoir parler à Popperman? Oh, pas certain, moi, là. Ah, ouais, OK. Bon, allons. C'est comme Clémence, je le dis. Oh, OK, c'est ça. C'est comme Clémence. On essaye. On essaie, puis souvent, on y arrive. Allô, comment que... Popperman? À qui on voulait parler? À qui on voulait parler, vraiment? On veut parler à tout le monde. On veut s'ouvrir à tout le monde. On veut communier. C'est ça, la radio, c'est communier, aller chercher les gens, se, non pas se les approprier, mais comme un spectacle, se rendre sous la même bulle pour se dire que pendant 2 heures, on est tout à fait ensemble dans un univers, dans un cocon, dans un microcosme. C'est beau le microcosme. C'est bien mieux. C'est pas bien mieux. C'est bien mieux que le macrocosme. Plein de petites bulles dans leur univers, à l'intérieur d'une sphère extraordinaire que l'on appelle la Terre, ou même l'univers. L'univers. On va aller dans... Non, on s'arrête pas à la Terre, nous, là. Hey, on a des visions de grandeur, moi, le 6 pieds 3, les yeux jaunes. Oh, mon dieu, veux-tu aller faire un petit numéro 1, mon champion? T'as les yeux qui coulent, ça va descendre. Oh, mon dieu, Seigneur. À qui on voulait parler? Ben, je veux vous parler. Je veux vous dire que merci d'être à l'écoute. Et ce Clémence Desrochers, blablabla. Ah! Excusez-moi, ça veut dire que j'ai retrouvé ça. Ah, c'est un cri interne. C'est le cri primal. Alors, Clémence, un numéro qu'elle a oublié, qu'elle a mis de côté sans doute. Il peut grêler, neiger, pleuvoir, tomber des bombes sur la ville. Ginette sort tous les samedis soirs avec sa gang de chums de filles. Ça s'arrête là. Ben voyons, c'est aussi simple que ça. Parce que là, après ça, il s'en va jouer au bowling. Puis ça revient toujours. Il peut grêler, neiger, pleuvoir, tomber des bombes sur la ville. C'est du rap, ça, là. Il peut grêler, neiger, pleuvoir, tomber des bombes sur la ville. Je vais te tourner voir des soirs avec sa gang de chocs de filles. Hein? Ça pourrait faire une pub. Ça pourrait faire... une ouverture d'émission météorologique. Il peut grêler, neiger, pleuvoir, tomber des bombes sur la ville si ça tourne le samedi soir avec sa gang de John Duffy. Hey, j'ai-tu des bonnes idées? Imaginez-vous toutes les émissions de météo, là, qui commencent par cette petite farandole, donc frivolité. C'est mieux frivolité. Frivolité. Une autre frivolité que l'on appelle le cinéma, mais qui est souvent, souvent très, très intéressant, donc qui se déroge de cette frivolité-là pour atteindre quand même le cœur, autant que Clémence, autant l'esprit, autant l'entité que nous sommes, l'intelligence en fait partie. J'ai vu, quelques heures avant de faire mon émission, un film qui m'a complètement bouleversé. Pour plusieurs aspects. Puis, vous allez me dire, « Ouais, mais là, il n'y a pas le générique. » Vous avez raison. Vous avez raison. Mais avant le générique, est-ce que vous me suivez? Ah, moi, je te suis à la courte échelle. Oh, la courte échelle. Elle est-elle courte? Bien là, si j'ai lu courte échelle. C'est court, une courte échelle. Une longue échelle, c'est long, mais une courte échelle, c'est court. Hein? J'aimerais bien couper court à ton discours, oui, et te dire bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Oui, les enfants, non. Comment ça, les enfants, non? Ils vont pas bien? J'en ai pas. Oh, comment ça, t'en as pas? Ben, oui, j'en ai, mais j'en ai pas. OK. Tu en as, mais tu en as pas. Ben, j'ai pas les... OK. J'ai pas les enfants, des enfants comme toi, tu le perçois. OK. C'est-à-dire... J'ai plusieurs petits-enfants qui sont mes émissions de radio. Oh! Je fais de la radio. Oh! Et j'ai des petits-enfants comme ça qui me disent... OK. Puis ta copine arrive-t-elle à allaiter tous ces enfants-là? Ben, c'est KRL, elle est bien capable, voyons donc, ouais. C'est une super maman, c'est KRL. Et je te dis que c'est tellement beau ça, les voir s'abreuver à cette station radiophonique qui, avec tout son lait maternel, les nourrit, les amène à terme et à vos oreilles. Mon Dieu Seigneur, c'est presque triste, mais c'est presque triste. On va parler, on a le numéro maintenant. doit trouver le numéro, puis on vient de se souvenir de qui on va parler. À qui on va parler? Alors, à qui? À qui? Hey, à qui? Allô, à qui? Sauve-moi, sauve-moi dans l'oreille, toi. Je pense qu'elle confond oreille et orteil. Ben, beau parler par là, mais tu vas t'endormir ou tu vas t'en aller. Tu vas prendre ton pied. Parle-moi pas par l'orteil, tu vas. Tu vas t'en aller. Tu vas t'en aller dans les bras de Morphée. D'Orphée ou de Morphée? Morphée. Orphée, voyons donc, Orphée, Cocteau. Bésame mucho. Quand je te vois, je redis les instants d'autrefois. Bésame mucho. Viens mon amour et redis que ton cœur est à moi. Lâche-moi de te revoir. Eh bien, mon seul espoir, fallait-il donc t'en aller? Aurait-on jamais cru qu'un amour si parfait serait si tôt disparu? Mon amour, le temps qui passe, continue à répéter que ce soir je que ton cœur m'appartient. Bésame, bésame mucho. Quand je te vois, je revis les instants d'autrefois. Bésame, bésame mucho. Mon amour, et redis que ton cœur est à moi. La joie de te revoir est bien mon seul espoir. Allait-il donc en aller? Aurait-on jamais cru que l'amour si parfait serait si tôt disparu? Mon amour, le temps qui passe, continue à répéter que sans toi je ne suis rien. Bésame mucho. Viens mon amour et dis-moi que ton cœur m'appartient. Petite pause, on y va comme le chant de musique en musique. Oui, pour faire honneur à mes deux invités, dont je vous parlerai davantage de leur cursus respectif. Mais la première, s'il faut que je prenne une première pour faire jouer la première chanson, ça prend une première pour une première. Sinon, c'est une deuxième. Hey, ça, là, toi, tu vas trop vite dans ta tête. Les gens se bousculent, hein? Non, c'est pas les gens, moi, qui se bousculent, c'est les mots. Puis quand ça veut pas sortir, là, ils sont tous ensemble, puis ils se garochent, ils se poussent entiers. Donc, c'est pas un par un, là, c'est 4-5 en même temps. Puis là, t'essayes de trouver des virgules, des points d'interrogation, les verbes, les proverbes, non, enlève le proverbe. Les adverbes, les conjonctivites hallucinatoires, des visions globales, puis tu sais plus comment placer ça dans une phrase. L'intérêt, Madame Thibodeau, l'intérêt de placer ça dans une pseudo-cohérence, c'est tellement compliqué, c'est tellement que je peux pas vous divulguer tout ça en si peu de temps. 2 heures, c'est pas assez, là. 20 heures, c'est pas, même 50 heures. Faudrait sincèrement là, qu'on me place des suctionneux au niveau. Oui, exactement. Au niveau des tympans. Des manèges. Coller 2 sus. Pour me sustenter. Oh, hein. Attendez. Pour me sustenter. Hein, comment ça, il y a un réverbérateur là-dessus? T. C'est bizarre, hein? Avez-vous entendu? T. Eh bien. En tout cas, je sais pas pourquoi ça fait « T » comme ça. On est en plein spectacle et on se demande pourquoi il y a un « T » qui... « T » Ah, sans doute que c'est... Je sais pas pourquoi. On va réessayer, voir. « T » Ah, voilà, je sais pourquoi. « T » Ah, oh, je le sais pourquoi, je vous le dirai pas. Non, mais en plus, là, c'est de la technique. La technique, ben, c'est entre moi puis moi, puis moi et moi, moi et moi. C'est des secrets intimes, là. Puis c'est aussi vous raconter le rouage technologique de cette émission qui est dépassée par le temps et tous les temps que vous voulez. Toutes les valses à mille temps, qui s'offrent encore le temps, qui s'offrent encore le temps de tourner autour de l'amour. Mais moi, ah oh oui, il y a le film aussi que je veux voir. Ah oui, oui, oui! Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui s'opère sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais l'amour. L'aperçois, alors je prends en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à en mourir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux. Pour mon plaisir, quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour. Je l'aperçois, alors je pense à moi.

pour ne pas se donner à l'ennemi de votre sabre de samouraï. Elle se fait harakiri. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas. À genoux, vous demandez grâce, mais celle-ci rien ne l'attendrit. Il vous faut mourir par contumace au 13e coup de minuit. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas. Les gens qui sont loin de cet univers-là, ce qu'ils craignent le plus, c'est ce qu'on dit souvent, est-ce qu'ils se rappellent, est-ce qu'ils se souviennent de toi? Ah, c'est vrai, on nous le dit souvent, hein? Tu dis, ben, mon père, ma mère est Alzheimer. Ah oui. La question piège, c'est pour eux, le pire de cette souffrance-là, c'est de ne plus se souvenir des enfants ou des proches. Mais moi, je leur disais, ben, il y a eu tellement d'autres choses de plus dramatiques que ça. Et c'est rien quand on arrive au fait qu'on va voir notre mère, et la mienne était très violente, mais dans la vie, elle ne l'était pas. Donc, non, elle ne me reconnaissait pas, mais il y avait tellement eu autre chose avant que ce niveau-là ne m'a pas dérangé tant que ça. Mmh. J'ai eu d'autres choses de plus dur. Non, de plus frappant. Ouais. Ben, écoute, moi, c'est vrai que pour moi, ça a été très douloureux de voir mon père diminué physiquement et intellectuellement. Est-ce que tu prenais soin de lui? Ma mère s'en est beaucoup occupée. Moi, j'essayais quand même d'y aller souvent. Il a été aussi, les deux dernières années de sa vie, il les a passées en EHPAD. Et, c'est en milieu, ouais. Hospitalier. Ouais. Et il a eu la chance, tu vois, de tomber sur un EHPAD où il était bien traité. Et qu'est-ce que ça veut dire, EHPAD? EHPAD, tu sais, c'est maison de retraite. Pour médicalisée. Ah oui, ok, wow, c'est ouais, un ça. Hôpital pour personne. C'est ça, ouais. Ouais. Et du coup, parce qu'en fait, en France, je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a eu des gros scandales qui ont éclaté sur justement des EHPAD, les établissements hospitaliers, tu vois, pour les personnes, en fait. Ouais. En fait, d'autonomie. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Et dépendante, en fait. Ouais. Et du coup, c'est vrai que... Moi aussi. Ouais, et c'est vrai que c'est des conditions, tu vois, où c'est très difficile, mais c'est vrai que, bon, moi, j'ai jamais eu le sentiment que mon père, il était maltraité là où il était. Et j'avais plutôt confiance, tu vois, dans le personnel, ouais. Après, ce qui est clair, c'est qu'il manquait de moyens et de personnel, tu vois. Mais mon père, je le voyais, il était mieux qu'à la maison, ça c'est clair. Ben oui, il est encadré, nous on peut pas l'encadrer, ouais. On peut pas. Puis il devait recevoir des soins et, ouais. Et tu vois, c'est vrai que c'est des situations, en fait, où, que tu peux pas contrôler. Tu peux pas contrôler, c'est très difficile. C'est un abandon, mais tu souhaites que ce soit le meilleur pour lui. Oui, oui. Parce que chez nous, les aides-soignantes, qu'on appelle des préposés aux bénéficiaires, okay. Un terme épouvantable, aides-soignantes, c'est beaucoup plus beau, aides-soignantes aussi, ben il y en a qui sont plus violents, il y en a qui... Parce que, aussi, ma mère était très, très violente, donc s'il fallait lui enlever une chemise, ben, on ne pouvait pas lui enlever naturellement, donc on devait prendre un peu de force pour... et des fois, on trouvait des mèches de cheveux. Ouais, mais... Des mèches de cheveux? Ben oui, parce que... Elle s'arrachait les cheveux? Non, pour lui enlever, ah, oui? il devait forcer un peu. D'accord. Et on peut comprendre aussi, donc c'était pas une violence envers elle, c'était pour enlever le vêtement, pour un nettoyage, pour le... Ben, c'est sûr que, voilà, moi qui suis allée en EHPAD, tu vois, du coup, pendant 2 ans pour voir mon père, c'était... ils ont un travail... C'est une vocation, hein? C'est une vocation, c'est hyper dur. T'as des gens, t'en peux plus. Enfin, tu vois, moi, j'en pouvais plus. Enfin, il y avait certains malades. Mon père, il était calme et il était doux. Ouais. Le personnel l'aimait beaucoup, à cause de ça, d'ailleurs. Ouais. C'est vrai qu'il y avait des personnes, je me disais, mais comment ils font pour les supporter? Ouais. Est-ce que c'est ton père? Les non. De ton père? Non, non, okay. Pas du tout. Okay. Non, non. Non, non, mais des fois. Non, non, okay. Non, non, okay. Mon père, il est. Maintenant, il est à Cannes. Ok. Oh, il est. Oh, ouais, okay. Ouais, il est. Bah, enfin, il a vécu ses dernières années à Cannes. Du coup, tu vois, pour moi, en fait, ça a été difficile de le voir diminuer. Et comme c'était quelqu'un de très fort, de très intelligent, tu vois, c'est quelqu'un qui, intellectuellement, à qui je dois beaucoup. Et il avait vraiment une force physique, quoi. C'était, tu vois, il était imposant, enfin, il était impressionnant, enfin... Crains-tu, toi, d'avoir l'Alzheimer ? Bah non, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, finalement, c'était plus ton entourage qui souffre que toi, en fait, au bout d'un moment dans la maladie. Non, mais quoi, toi, est-ce que tu crains de l'avoir ? Oui, de l'avoir, moi. Ouais, d'avoir l'Alzheimer. Bah, il y a un moment, je m'apercevrais plus que je l'ai, donc... ouais, non, mais c'est quand tu es au début de la maladie, c'est ce qui est fou, quand tu vois le tapis glisser sous tes pas. Bah, moi, ce que je me dis, c'est que mon père, il avait très peur de vieillir, il avait très peur de la mort. Donc, quelque part, Alzheimer, ça l'a peut-être soulagé, c'est tu vois, du fait de se voir partir. Il ne m'est pas diminué, en fait. Pour lui, s'arrêter de travailler, c'était épouvantable. Ouais. Et je comprends aussi, parce que la société est tellement dure vis-à-vis ceux qui ne rapportent plus. Un enfant dans un marché qui veut acheter des fruits pour sa mère sera pas pris au sérieux parce que c'est pas lui qui travaille pour. Oui, c'est vrai. Et un adulte, lui, qui va chercher ses bananes, ben, oh bonjour monsieur. Alors, le consommateur qui lui fait partie de l'économie, du rouage économique, est beaucoup plus apprécié que celui qui n'est pas encore dans ce rouage économique-là. Les préjugés sont partout. Oui, et c'est vrai que c'est ça aussi, tu vois, le... Enfin, moi, ça m'a fait réfléchir aussi le fait que mon père supportait pas de plus travailler, de plus être quelqu'un, en fait, qui avait un pouvoir. Ouais. Parce que c'est en plus un homme d'affaires, donc pour lui, il aimait voyager. Je pense qu'il aurait très mal vécu cette période. Ouais. Ah oui, oui, ah, la mienne aussi. Toi qui as un pied dans la tombe, fais gaffe où tu poses la main. Si elle glisse, si tu tombes sur une peau de vache, c'est pas malin. Jeunes femmes et vieux messieurs, si elles n'ont pas d'amour, quelle importance. Jeunes femmes et vieux messieurs, de l'amour ils en ont pour deux. T'as plus un cheveu sur la tête, qu'est-ce que t'as besoin de te frapper? Tu reprendras du poil de la bête quand tu iras la décoiffer. Jeunes femmes et vieux messieurs, s'ils n'ont plus de cheveux, quelle importance. Jeunes femmes et vieux messieurs, des cheveux elles en ont pour deux. Toi qui descends la rue Pigalle, à ton régime fais attention. Quand tu vas remonter au hall, le fil de la soupe à l'oignon. Jeunes femmes et vieux messieurs, s'ils sont au régime, quelle importance. Jeunes femmes et vieux messieurs, de l'appétit elles en ont pour deux. Mais avant de froisser ses dentelles, en la couchant sur le divan, faudra pour être bien avec elle, la coucher sur ton testament. Jeunes femmes et vieux messieurs, si elles sont fauchées, quelle importance. Jeunes femmes et vieux messieurs, du pognon, ils en ont pour deux. Quand elle te dira qu'elle t'aime, fais bien attention à ton cœur. Si elle habite au quatrième et qu'il y a une panne d'ascenseur. Jeunes femmes et vieux messieurs, à cet âge ça n'a plus d'importance. Jeunes femmes et vieux messieurs, ils peuvent attendre un jour ou deux. Et du coup, c'est vrai que... Et puis, tu vois aussi... Finalement, je pense qu'il avait un côté, tu vois, responsable de sa famille. Et moi, ce que j'ai trouvé fou, c'est qu'il est décédé vraiment très peu de temps avant le Covid. Tu vois, enfin, 15 jours avant, quelque chose comme ça. Et, en février. 10 jours avant, ouais. Ouais, ouais. J'étais à Paris. Ouais, c'était fin février. Et, en fait... Il, En fait, j'ai pu organiser la cérémonie de son incinération. Et c'était un moment où déjà le personnel de l'EHPAD ne pouvait pas venir aux enterrements, en fait. Ils étaient déjà, ils devaient éviter le contact. Ouais. Et en fait, je suis rentrée de Cannes, tu vois, suite à l'enterrement, etc. Le samedi, paf, confinement. Ouais. Alors là, tu étais pris avec, avec tout ça, tout ce chagrin-là, et seul chez toi. Bah oui, mais en même temps, c'était difficile. Et en même temps, ça me permettait d'accepter que mon père soit parti. C'était salutaire. Ouais. Parce que, enfin, tu vois, c'est-à-dire que je me suis dit, ben, en fait, quelle horreur si mon père était à ce moment-là encore en EHPAD. Quelle horreur, c'était l'inquiétude. Masques aussi. Les masques, j'aurais peut-être pas pu faire son enterrement, tu vois. Et dans quel état il aurait été à la sortie du confinement s'il avait survécu. Tu vois, enfermé dans sa chambre, l'horreur. Enfin, tandis que là, au moins, quand il est décédé, il ne pouvait plus beaucoup marcher. Enfin, tu vois, il ne pouvait plus se déplacer, il ne pouvait plus marcher. Hein. Mais j'étais contente qu'il ne vive pas tout ça, en fait. Et voilà, je me suis dit, bon, ben, quelque part aussi, je l'ai remercié de nous avoir permis d'éviter de vivre ça. C'est bon pour nous aussi. Ouais. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, ce qui est terrible dans Alzheimer, c'est que tu vois la personne que tu aimes diminuer, mais en fait, tu souffres énormément, en fait. L'entourage souffre énormément. Et ta mère, comment elle s'en sort? Ben, ma mère, c'est ma mère, elle a son caractère. Et ça a été, je pense, très douloureux pour elle d'accompagner mon père dans la maladie. En fait. Mes illusions donnent sur la cour. Des horizons, j'en ai pas lourd. Quand j'ai bossé toute la journée, ne me reste plus pour rêver que les fleurs horribles de ma chambre. Mes illusions donnent sur la cour. J'ai mis une croix sur mes amours. Les petites pépées pour les toucher, faut d'abord les allonger, sinon c'est froid comme en décembre. Quand le soir venu m'en revient du chantier, après mille peines et le corps harassé, j'ai le regard mort et les mains dégueulasses, de quoi inciter les belles à faire la grimace. Bien sûr, y a les filles de joie sur le retour, celles qui mâchent le chewing-gum pendant l'amour. Mais que trouverais-je dans leur corps meurtri, sinon qu'indifférence et mélancolie, dans mes frusques couleurs de muraille. Je joue les épouvantails, mais nom de Dieu dans mon âme brûlait pourtant cette flamme où s'éclairaient mes amours et mes brèves fiançailles, où se consumaient mes amours comme autant de feux de paille. Aujourd'hui je fais mon chemin solitaire, toutes mes ambitions se sont fait la paire. Je me suis laissé envahir par les orties, par les ronces de cette chienne de vie. Mes illusions donnent sur la cour, mais dans les troquets du faubourg, j'ai des ardoises de rêverie et le sens de l'ironie. Je me laisse aller à la tendresse. J'oublie ma chambre au fond de la cour, le train de banlieue au petit jour. Et dans les vapeurs de l'alcool, je vois mes châteaux espagnols, mes haras et toutes mes duchesses. À moi les petites pépées, les poupées jolies, laissez venir à moi les petites souris. Je claque tout ce que je veux au baccarat, je tape sur le ventre des maharajas. À moi les boîtes de nuit sud-américaines, où l'on danse la tête vide et les mains pleines. À moi ces mignonnes au regard qui chavire, qu'il faut agiter avant de s'en servir. Dans mes pieds de poule, mes princes de Galles, en douce je me rince la dalle. Et nom de Dieu dans mon âme, v'là que je ressens cette flamme où s'éclairaient mes amours et mes brèves fiançailles, où se consumaient mes amours comme autant de feux de paille. Et quand les troquets ont éteint leurs néons, qu'il ne reste plus un abreuvoir à l'horizon, ainsi je me laisse bercer par le calva, et le dieu des ivrognes guide mes pas. Le dieu des ivrognes guide mes pas. Et je pense qu'elle a beaucoup beaucoup souffert en prenant sur elle, et bon, en même temps elle a su se faire enfin, être accompagnée aussi, mais c'est vrai qu'elle a attendu le dernier moment, quand c'était vraiment plus possible, pour que mon père entre en maison médicalisée. Ouais. Mais en même temps, quand elle s'est confinée, ça devait être dur pour elle, se retrouver seule avec elle-même. Alors, elle a... Tu vois, je rigolais parce que je disais qu'elle, finalement, elle voyait plus de gens que moi pendant le confinement. Ah ouais. Parce qu'elle avait quand même toujours des visites de la part des infirmières. Ah, elle avait un suivi. Ouais, elle avait un suivi. Ouais. Donc, bon... elle vit seule ? Oui, elle vit seule. À 15. Ouais. Mais en même temps, elle est, je te dis, elle a tous les jours la visite, elle a son kiné. Elle a une vie active. Voilà. En fait, elle a une vie, elle a quand même une vie où il y a des gens qui viennent la voir. Il y a des gens qui viennent la voir. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Elle reçoit. Ah mais c'est bien, c'est bien. C'est, mais en même temps, c'est, il faut toujours être dans l'action. Ouais. Et ça la motive à s'habiller, à prendre soin d'elle. Ben oui, si on vient la voir, elle veut être la plus belle, la plus coquette. Donc c'est peut-être le côté positif de la chose. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ben c'est ça, il y a du monde qui s'occupe d'elle. Moi, je l'appelle assez souvent, tu vois, pour prendre ses nouvelles. Et je descends assez souvent à Cannes pour la voir. Elle n'est pas du tout isolée. Elle a quel âge? Bah, elle a plus de 80 ans. Oh! Alors elle est coquette, peut-être elle ne veut pas que je dise, mais elle a 83 ans. Oh! Elle tient le coup? Ah bah ouais! Bah, elle dit tout le temps qu'elle est fatiguée, tu vois, c'est son truc, mais en fait elle est en bonne santé. Hein. Ouais, mais à 83 ans, on risque de l'être aussi fatiguée. Oui, oui, mais enfin tu vois. Ça use la vie. Oui, oui, mais je la vois, elle est quand même en bonne santé. Bien sûr, tu vois, elle va pas courir un marathon, mais. Elle a l'esprit vif encore. Oui. Ah oui, oui. Peut-être un peu trop à ton goût. Non, ça va. On l'a jamais, non, mais c'est toujours. En plus, ta mère, c'est le fil argan. Elle a. E dans la T-I-T-I-A. L-A. E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom Laetitia. L-A. E dans la T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A. E dans la T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L-A-E dans la T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom Laetitia, L-A-E dans la T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Et puis tu vois, avec l'âge, elle a une sagesse qu'elle n'avait pas plus jeune, et je trouve qu'elle est comme... Elle a toujours eu un terrain très très anxieux, et je trouve qu'à distance, elle est quand même moins anxieuse qu'avant. Ah, c'est positif. Ouais, donc en fait, tu vois, finalement, de rester chez elle beaucoup, elle s'est créé un cocon, tu vois, donc une force, ouais, peut-être. Tu vois, elle est dans son monde, voilà, ouais. Elle a travaillé un peu ce qu'on disait au début. C'est ça, tout à fait, complètement. Ben oui. Ouais, ouais. C'est un cycle qui revient. Ouais. Oui, ouais, c'est ce que je me suis dit, c'est rigolo que tu le dises, parce que je me disais ça aussi. Ah oui? Oui, ouais, mais c'est vrai que ma mère, c'est vraiment une femme d'intérieur, donc je lui dois ça. Est-ce qu'elle a déjà travaillé? Alors, elle a pu travailler à certains moments de son existence, en effet, mais elle a arrêté de travailler dans sa quarantaine à peu près. Pour élever ses enfants? Notamment, ouais. Ouais. Mais aussi... voilà, je pense que ça, c'est un moment où elle a pu aussi se consacrer. Elle avait une passion pour la peinture, donc elle a pu s'y consacrer aussi. Elle en fait encore? Alors malheureusement, non. Ok. Mais peut-être ça reviendra un jour, on ne sait jamais. Hein. Oui. Oh, oui. Mais il n'y a pas d'âge. Hein, voilà, non, il n'y a pas d'âge. Et toi, est-ce que c'est une référence pour toi, ta mère? Oui. Bah, forcément, hein, c'est un modèle hein, avec et contre lequel on se construit, donc bah, bien sûr, en plus la mienne, elle a quand même une personnalité forte, donc voilà, elle est. Moi j'ai une relation très compliquée avec ma mère, et justement, pour moi, ça a toujours été... Enfin, tu sais, plus apaisée depuis quelques temps, mais moi j'ai beaucoup, en fait, pour être tout à fait franche, j'en ai beaucoup voulu de la façon dont elle a abordé notamment la maladie de son mari. Donc, et bon, alors il y a des questions d'incompréhension aussi générationnelle, tu vois, des choses comme ça. Mais c'est vrai que Ah, mais c'était son mari aussi, il ne faut pas l'oublier. C'était... Ah, mais bien sûr, mais c'était aussi mon père. Ouais. Ouais. Ok, donc elle était très dure vis-à-vis de lui devant toi. Bah oui. Et du coup, et en fait, tu vois, après j'ai compris en lisant, tu vois, sur justement le rôle de l'aidant, et que souvent, en fait, les personnes se retrouvent en situation, en fait, en train de maltraiter le malade, ouais. Mais parce qu'ils ne savent plus comment faire, eux. C'est inconscient, souvent. C'est ça. Ils ne veulent pas faire du mal, mais ouais. Elle n'a jamais eu de cours, comment procéder, ouais, ouais. Avec... Et puis c'est vrai c'est que... d'improvisation. Et puis c'est vrai que, tu vois, c'est très difficile, hein, de s'occuper de quelqu'un qui rentre en démence, en fait. Ouais. Comment tu fais? Enfin, c'est des situations, tu vois, c'est... Et souvent, souvent, ce qui se passe, je pense que, tu vois, la personne veut absolument garder son conjoint à la maison. Il s'oublie. Il est épuisé. Enfin, il se retrouve en situation vraiment de mal-être, et en fait, il maltraite aussi l'autre, enfin le malade, parce qu'il en peut plus. Parce qu'il en peut plus. Et en plus, il y avait beaucoup de honte. Il y a beaucoup de honte. Tu vois, quand c'est quelqu'un que t'as aimé. Justement, que tu admirais. Tu vois, mon père, c'était quelqu'un qui était de l'extérieur très admirable. Parce que surdoué, d'une intelligence incroyable. Tu vois, il était capable d'apprendre des langues très vite. Enfin, c'était un esprit. Es-tu comme lui? Ben, j'ai hérité de certaines de ses facultés. Et c'est vrai que voilà, il y avait chez mon père des fulgurances, une intelligence prodigieuse. Enfin, et vraiment, c'était étonnant. Hein. Une compréhension des choses. Puis il a eu un parcours pas évident, tu vois. C'est quand même quelqu'un qui est arrivée à 15 ans seule en France. Qui... Toi, tu es originaire de Palestine. C'est mon père qui est originaire de République tchèque. Ok, russe. Tchèque. Tchèque, excuse-moi. Tchèque. Et j'insiste, oui, tchèque, oui, oui, pas russe. Ok, excuse-moi. Et c'est pas grave. Et je précise. Et en fait, si tu veux, il est arrivé à 15 ans tout seul en France. Ses parents vivaient à l'étranger. Et du coup, même s'il naît d'une famille qui avait les moyens, qui a pu lui payer des études, à 15 ans, il était tout seul, hein, oui. À l'étranger. C'est un bourgeois. Oui, c'est un bourgeois. En fait, c'est un bourgeois, c'est un nouveau bourgeois, on va dire. Okay. C'est-à-dire que, en gros, ma famille en Tchécoslovaquie, c'était des paysans. Ma grand-mère, c'était la paysannerie riche. Mon grand-père, c'était une paysannerie plutôt pauvre. Et en fait, c'est des personnes qui ont une ascension fulgurante à leur niveau, tu vois. On en parle bien de l'entreprise Bata. Donc, c'était un peu des... Je sais pas, on peut dire que c'était des paysans parvenus. Ouais. Et mon père, donc lui, c'était la deuxième génération où, tu vois, il a fait une très belle carrière dans l'entreprise. PDG, et c'est vrai que tu vois, il correspondait à un succès, sa vie a correspondu à celle voilà, d'un certain succès, d'une certaine vision du succès, où c'est quelqu'un qui arrive à 15 ans en France tout seul, donc, mais qui vient quand même d'un milieu bourgeois, donc qui a les moyens de le financer, et qui va faire des grandes écoles françaises en fait. Que tu peux être belle quand tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Ce que tu peux être garce quand tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Que tu peux me faire mal quand tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Ce que tu es dans mes bras quand tu t'y mets plus souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Qu'était notre amour quand on s'aimait, il y a pas si longtemps, pourtant que l'on s'aimait, tu dois plus savoir. Les moyens, sa famille lui a donné les moyens, ouais, d'aller plus haut, d'aller plus loin. Ma grand-mère, tu vois, il y avait un côté comme ça, mentor de... Pardon, elle admirait beaucoup son fils, et voilà, il y avait un côté comme ça, coach. De transmission aussi. Ouais. Et c'est vrai que mon père, c'est très impressionnant, hein. Moi, je suis très admirative de son parcours, où même s'il avait les moyens, il a quand même réussi à faire une carrière, internationale, et en même temps, qui n'était pas sans souffrance, hein. Il y avait aussi ce besoin de tout le temps se prouver, bah oui, puisqu'il était issu de l'immigration, qu'il avait sa place, et il a fait carrière, et ça a été plus facile de faire carrière pour lui dans une boîte américaine. Ah oui. Ouais. Et on va revenir à la création, aux mots. Est-ce que, avec les années, les mots ou l'approche des mots a changé dans ta vie? Oui. En fait, je pense qu'il y a eu... Je dirais que c'est aussi mon rapport au réel et à la fiction. En fait, pour moi, ça a été nécessaire de clarifier des choses pour changer, tu vois, la définition que j'avais de certains mots. Ok. Et ça a amené, bien sûr, à changer, hein, tu vois, avec le temps. Et mais bon, j'ai toujours eu un grand amour des mots. Ah oui. Ouais. Ça, ça n'a pas changé. Ouais, ça, c'est bien. Ouais. Mais est-ce que est-ce que les mots ont évolué avec toi? Ah oui, oui, ben, c'est sûr, ben, notamment, tu vois, un énorme concept comme l'amour. Ben, au fur et à mesure du temps, je n'aimais pas du tout la même chose. Enfin, en fait, si tu veux, j'avais pressenti assez jeune qu'il n'y avait pas qu'une sorte d'amour, qu'il y en avait plein. C'est comme l'intelligence, il n'y a pas qu'une sorte d'intelligence, il y a plein de formes d'intelligence. Et justement, moi, mon père, il m'a montré ça aussi dans sa maladie. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il était dément, il y avait toujours une intelligence qui était là. Donc c'était juste qu'elle s'exprimait autrement et qu'il y avait une autre forme de communication qui s'instaurait. Et voilà, c'est vrai que, bah, tu vois, par exemple, l'amour, on a une telle idée à 15 ans, à 16 ans, 17 ans. Il y a un moment où on est persuadé que l'amour, c'est forcément l'amour avec un homme, par exemple, quand on est hétérosexuel et qu'on est une femme. Mais bah, en fait, on va se rendre compte qu'il y a plein de formes d'amour. Que l'amitié, c'est une forme d'amour aussi. Enfin bon, tu vois, ça, c'est bien sûr. Hein, il y a parfois des amours qui sont très ambigus, t'as des amours qui sont très clairs, des liens amicaux qui sont clairs et transparents, enfin, d'autres où c'est plus compliqué, enfin, t'as des amours qui sont des amours du quotidien, mais où c'est pas la passion, d'autres... Des amours d'été. Des amours d'été, des amours, bah, c'est très beau quelques temps, mais vaut mieux pas que ça dure plus que quelques, voilà, qu'une ou deux saisons, enfin... L'amour avec les... Enfin, qu'est-ce que c'est l'amour bah, l'amour qu'on porte à ses animaux de compagnie ou... As-tu un chat? Alors non, moi je garde souvent un chien. Okay. Mais c'est pas mon chien. Okay. Ouais. Voilà. Ah, c'est vrai, tu gardes souvent un chien? Oui, un Yorkshire Croisé Caniche. Oh, trop mignon. Ouais, toi? Moi, c'est une Cavalier King Charles. C'est assez gros? Oh, c'est grand. Ça fait, je sais pas, non, c'est moyen, on va dire. 30 kilos, 40 kilos? Non, moi, je sais pas combien elle pèse, je le demanderai. Moi, 21 kilos, mais normalement, disons, il fait pas poids santé. Normalement, c'est 12-13 kilos. Ah oui? Ouais, mais il est pas si gros que ça. Elle est en surpoids? Non, non, c'est un homme. Ah, il est en surpoids? Ben, ça paraît pas. Ouais. Ça paraît pas. Ça doit être dans sur les oreilles. Dans l'œsophage, un anthropophage qui avait dans l'idée de m'empoisonner. Il me disait, petite tête, ôte-toi de la cumimette, je me suis résigné à le bouffer le premier mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Sauvage ou pirate, on se tire dans les pattes et le moins malin peut crever de faim. Soldat ou artiste, on est tous des tristes, ciré malheur à qui manque d'estomac. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Dans ma garçonnière, misère de misère, la femme du voisin se fait couler un bain. Quand la mienne se déhanche, j'ai le cœur qui flanche de voir les autres tudieux. La bouffée des yeux, mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Viendra le jour, certes, où la gueule ouverte, comme ça, de but en noir, j'irai me faire voir, je ferai des orphelines, et par la racine, je vous ferai les orties, et les pissenlits, mambo, miam, miam, mambo, miam, miam, mambo, miam, miam, mambo, miam, miam, miam. Et puis sinon, tu as lancé aussi un site, je suis venu, en plus la première question ça a été ça au début, un site sur, sur la poésie. Ouais. Et ce site-là est venu par, par obligation, non, par volonté de travailler. Parce que tu cherchais quelque chose à faire. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bah, c'est né un peu de ça, c'est-à-dire que... En fait, voilà, je cherchais du travail et il fallait bien m'occuper. Et je me suis dit, bah tiens, je vais écrire sur ce qui me plaît le plus dans la vie, en fait. Ouais. Et j'avais envie de partager ça. Et en fait, au départ, je l'ai fait de manière gratuite, pour le plaisir et gratuitement. Et en fait, petit à petit, j'ai eu l'idée de faire un atelier. D'abord, j'ai essayé, tu vois, pour me tester de... Où c'était sur don, c'était pas cher, c'était genre, je demandais participation libre, minimum de 5 euros, parce que j'avais besoin de voir aussi si ça me plaisait. Et en fait, ça m'a plu, et puis petit à petit, j'ai fait de plus en plus sérieusement. Et aussi, ben, c'est vrai que je me suis rendu compte que il y avait quand même besoin petit à petit d'augmenter aussi ses tarifs, parce que ça me prenait beaucoup de temps et que je ne pouvais pas tout faire gratuitement en fait. Et du coup, ça a fait tout un travail sur moi aussi, parce que pour moi, c'est vrai que la poésie, c'est lié à une forme de gratuité. Le beau, pour moi, a une forme de gratuité. C'est compliqué d'en faire un produit. Et du coup, c'est... Tu vois, en fait, c'est pas tellement raisonné en termes de produit, mais en termes du temps passé pour faire quelque chose pour parvenir à proposer quelque chose d'intéressant. Donc moi c'est ça, c'est je finalement c'est petit à petit, tu vois, j'ai mieux accepté de proposer des prix plus élevés en me disant bah en fait c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps et si je veux que ça soit de qualité et aussi en variant les publics, tu vois, en trouvant des lieux qui me payaient, mais l'activité était gratuite pour les personnes qui venaient. Okay. Donc comme ça, tu vois, ça me permettait à la fois de transmettre et de partager gratuitement à certaines personnes parce que le lieu me payait. Parce que moi aussi, j'ai besoin de vivre, tu vois, enfin, voilà, c'est ça. C'est comme un chanteur, c'est hein, il doit être rémunéré, c'est bien beau, là, chanter la chansonnette comme je t'avais invité, le grand public, avec les photos et tout ça, mais ouais, à un moment donné, il faut bien que ce monsieur vive un peu. Hein. Oui, bien sûr. Donc, toi, tu as fait la même chose, mais pourquoi tu parles au passé? Et comment il va aussi? Il va, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah, OK. Ça fait longtemps. Mais il préparait un album il y a 4 ans. Ah. Mais là, avec tout ce qui s'est passé... Oui, bien sûr. Et tu parles de ça au passé, est-ce que c'est terminé? Bah parce qu'aujourd'hui, tu vois, je l'ai accepté. J'ai accepté tu vois, que en fait, ça soit normal que je demande un certain tarif et que... Mais il est encore là, le site. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, je parle de ça au passé parce que ça a été tout un travail sur moi. OK, le cheminement. Par rapport, tu vois, à justement faire payer ma prestation. Alors là, le concept est bien placé. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que là, tu peux t'abandonner. C'est ça. Et comment ça se passe Bah écoute, là c'est un peu un moment, tu vois, de c'est l'été et... Les gens sont un peu plus... Voilà, c'est la période creuse, hein, ouais. Pour parler, voilà, pour un chat, un chat. Et en fait, moi c'est vrai qu'au départ, ça a été, tu sais, tout à l'heure je disais, c'était difficile de lâcher. parce que justement j'ai besoin d'avoir une activité pour vivre et enfin pour vivre pour oui j'ai besoin d'avoir une activité pour vivre mais aussi pour avoir des sous. Et bon bah là je me suis dit ah ouais je vais pas avoir de rentrée d'argent en fait cet été avec cette activité. Donc j'ai essayé de trouver autre chose, et puis finalement j'étais tellement épuisée que je me suis dit, en fait souvent c'est vraiment très fatigant hein, de faire de faire sa propre activité. Et du coup je me suis dit bon bah tant pis, cette année, ces vacances, je me repose et je repars à la rentrée avec les idées plus claires. Est-ce que c'est angoissant de jamais savoir de quoi est composé demain? Parce que tu vas avoir un certain confort à un moment donné, tu ne peux pas faire ça jusqu'à 80. Ben, je suis d'accord. Du coup, tu vois, c'est pour ça aussi que j'accepte de me questionner. J'accepte de chercher également du boulot. Dans le sens du boulot tu pourras faire autre chose, en tant que salarié. Dans une boulangerie, des trucs comme ça. Ben, c'est ça, en fait. Je me dis, trouver quelque chose à côté qui me permet. Moi, j'ai rien contre aussi trouver un travail que je ferai à temps plein, qui m'intéresse. En dehors des mots, de la création. Et je mettrai l'activité en veilleuse où je la ferai sur mes vacances. Parce que c'est vrai que, pour moi, c'est rigolo souvent quand on parle d'entrepreneuriat, parce que c'est une forme d'entrepreneuriat ce que je fais là. Tu vois, c'est-à-dire qu'un psy, il a sa clientèle. Moi, j'aurais peut-être une clientèle un jour avec l'énergétique chinoise, avec l'écriture, on verra, des clients récurrents, mais pour l'instant, c'est pas. Il y a des gens qui viennent à tous les ateliers. Mais c'est comment développer, on m'appelle pas, on m'a appelé pour des consultations d'écriture. Et ça, c'est vrai que j'ai bien envie de mettre en place à la rentrée, où on a un problème dans un travail d'écriture, on m'appelle pour avoir mon regard, pour que je fasse avancer la personne. Donc j'ai vraiment pensé et j'ai proposé cette offre. Mais donc souvent, il y a cette un peu image de l'entrepreneur comme un héros. Et un héros, c'est quand même souvent un surhomme. Enfin, c'est avec une mythologie du surhomme. Hein. Et en fait, non, on est des humains. Et parfois, moi, j'ai vraiment envie de trouver un travail salarié. Enfin, tu vois, je préfère être claire. Parfois, je me dis, je sais pas si je vais pouvoir faire ça toute ma vie. C'est quand même très fatigant d'être indépendant. C'est comme une chanteuse qui, elle, doit écrire ses chansons. Auteur, compositrice, interprète, trouver la salle, faire des tournées, trouver les endroits. Après ça, on va commencer. C'est très essoufflant. C'est épuisant, même. Ouais. C'est épuisant. Et tu vois, c'est tout le temps, tu es confronté à des noms. Donc, au bout d'un moment, tu t'en es pris tellement, tu vois, que tu commences à t'en foutre. Enfin, donc ça, c'est intéressant, tu vois, ça peut aussi bouger sur toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand t'auras 12 belles dans la peau, 2 duchesses et 10 dactylos, qu'est-ce que t'auras de plus sinon qu'un peu de plomb? Un peu de plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand t'auras claqué ton grisby dans toutes les boîtes à coups de fusil, tu ne seras jamais qu'un pigeon avec un peu de plomb. Un peu de plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand dans le feu de la passion, aux échelles des banilons, tu grimperas, après, qu'est-ce que t'auras? T'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand t'auras aimé à tout vent, et que tes poules n'auront plus de dents, pour te bouffer le cœur dans la main, mon gros malin, t'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Et quand t'auras passé ta vie derrière les barreaux de ton lit, tu diras que tu t'en es payé, et oui, et puis après, t'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. mais peut-être bien que tu ne feras pas de vieux os avec tes 12 belles dans la peau. Tu tomberas un jour sur un gars qui t'enverra du plomb dans la cervelle et il te poussera des ailes. Donc t'es beaucoup moins, en fait, moi ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que t'es beaucoup moins dans une recherche de la réussite, tu vois, ou tu, genre, ou de la reconnaissance. Parce qu'en fait, tu t'es pris tellement de vent, de noms, de personnes qui sont pas intéressées et qui s'en foutent complètement de ce que tu fais, que bon, tu te dis, bah, je vais me focaliser sur les personnes que ça intéresse, parce que... Et ce qui est triste en même temps, c'est que ça fait des années que tu fais ça et il n'y a pas vraiment de reconnaissance. Il n'y a pas de personne qui tu sais, il n'y a pas un suivi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, tu vois, qui trouvait ça un peu injuste, la situation dans laquelle j'étais, où elle suit mon travail depuis des années, elle trouve ça vachement bien. Et c'est vrai que j'ai pas la reconnaissance, tu vois, j'ai pas une reconnaissance sociale. Par rapport à ce que je fais, voilà. Donc moi, franchement, j'en ai bien conscience et je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je peux faire, tu vois. Est-ce que ça vient de moi qui suis trop modeste, qui ne demande pas assez, tu vois, est-ce que, ou qui me contente de trop peu, tu vois, ça peut venir de ça. Est-ce que c'est conjoncturel, est-ce que ça va venir, est-ce que ça ne viendra pas. Donc, mais je suis d'accord avec toi, je trouve en effet que la qualité de ce que je propose, tu vois, pour le moment, n'est pas reconnue à sa juste valeur. Ensuite... Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre. Sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre. Versez une larme de Porto et puis mettez-vous au piano, jouez Chopin. Avec dédain, égrenez vos accords et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le second soir, faites revenir ce cœur bien tendre. Faites mijoter trois bons quarts d'heure à vous attendre. Et s'il n'est pas encore parti, soyez-en sûr, c'est qu'il est cuit sans vous trahir. Laissez frémir. Faites attendre encore et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le lendemain, il ne tient qu'à vous d'être tendre. Tamisez toutes les lumières et sans attendre. Jouez la farce du grand amour. Dites jamais, dites toujours et consommez sur le canapé. Mais après les transports, ah, s'il s'endort, alors là, foutez-le dehors. Ensuite, j'ai quand même fait des super projets dont je suis très fière. Tu vois, j'ai mené à bien, voilà, donc peut-être je suis trop discrète. Tu vois, après, j'ai quand même eu des super reconnaissances. Enfin, j'ai travaillé avec, j'ai fait des super collaborations. Tu vois, des super beaux projets, hein, ça, je... j'ai travaillé avec des personnes qui étaient géniales. Enfin, tu vois, il y a quand même énormément de choses très positives. Mais peut-être, en effet, c'est moi qui suis trop modeste. Mais aussi, quand on s'est rencontrés la première fois, on se connaît depuis 10 ans. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu étais dans le cinéma, tu faisais des courts-métrages. Ouais. As-tu abandonné les courts-métrages? Alors là, ça a été un peu un moment de repos parce que, tu vois, faire un court-métrage, c'est beaucoup d'énergie et c'est pas payant. Payant, tu vois, c'est ça. Et du coup, j'ai pas arrêté. Et tu vois, par exemple, c'est vrai que je suis toujours créative, j'écris, je fais de la photo, je fais... Alors, tu n'as rien abandonné? Non, j'ai rien abandonné. C'est juste... Les tiroirs sont encore ouverts. C'est ça. Tu n'as pas perdu la clé? Non, non, je n'ai pas du tout perdu la clé. Et je me dis que... Enfin, tu vois, je me dis aussi... je pense que j'étais quand même très... Enfin, la maladie de mon père, ça a pris beaucoup d'énergie aussi, tu vois. Et du coup, j'étais pas forcément dans une optique, on va dire, conquérante. Et c'est vrai que tous ces métiers qui sont basés sur la création, ça demande une grande force intérieure et beaucoup d'énergie, quoi. Donc, quand t'es vraiment déjà, tu vis un truc qui est pas facile, tu vois, c'est pas forcément évident de tout mener de front. As-tu cheminé après la mort de ton père ou si tu étais encore en processus de cheminement? Ah ben j'ai continué. Alors c'est pas encore guéri? Ça guérira jamais? Ben, c'est-à-dire que j'ai accepté, tu vois, j'ai accepté son départ et tu vois, je le vis autrement. Enfin, c'est plus les mêmes souffrances que les premiers temps du deuil. J'ai créé un autre lien et si tu veux, je me sens apaisée. Ensuite, bah, c'est sûr qu'il manquera toujours. Tu vois, c'est plus ou moins. Ça dépendra des moments, mais c'est sûr que quand on a aimé quelqu'un, il nous manquera toujours. Hein. Tu l'aimeras toujours, mais autrement. Voilà, c'est ça. Ouais. Que ce soit mon cochon d'Inde, tu vois, qui est décédé, que j'aimais beaucoup, il me manquera toujours. Après, je ne serai plus en train de pleurer ou tu vois, ça ne sera pas ça. Mais... Est-ce que la mort des autres te ramène à ta propre mort? Bah oui, oui. Est-ce que tu penses souvent à ta mort? Bah, oui, bien sûr. Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans ce processus-là de réflexion sur ta propre mort? Ah oui. Oui. Moi, j'y ai toujours pensé. Hein. Ouais, toi aussi. Ouais. Bon, ado, c'était très solide. 10-11 ans, là, la mort, ça me suivait. Ouais. Et surtout, le côté absurde, pourquoi on vit pour mourir? Ouais. Algues brunes ou rouges, dessous la vague bouge, les goémons. Mes amours leur ressemblent, il n'en reste, il me semble, que goémons. Que des fleurs arrachées, se mourant comme les noirs goémons. Que l'on prend, que l'on jette, comme la mer rejette les goémons. Mes blessures revivent à la danse lascive des goémons. Dieu, comme elle était belle, vous souvenez-vous d'elle, les goémons. Elle avait la langueur et le goût et l'odeur des goémons. Je pris son innocence à la sourde cadence des goémons. Algues brunes ou rouges, dessous la vague bouge, les goémons. Mes amours leur ressemblent, il n'en reste, il me semble, que goémons. Que des fleurs arrachées, se mourant comme les noirs goémons. Que l'on prend, que l'on jette, comme la mer rejette les goémons. Chers amis,